nanana. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi dire. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi dire. Partir pour tout refaire, s'enfuir et reconstruire. La vie ne fait pas de cadeaux et les chances se provoquent. Trop lourd est le fardeau, vivement le prochain épisode. Il avait tout prévu pour éviter le pire. Sans compter sur le Covid, il a tout perdu. Tout le monde lui dit qu'il est fort, qu'il va s'en sortir. Mais trop d'efforts fournis, je crois que lui-même n'y croit plus. Apprends de tes erreurs pour ne jamais les reproduire. Plus facile à dire qu'à faire, chacun aide l'autre à grandir. Apprends de tes erreurs pour ne jamais les reproduire. Plus facile à dire qu'à faire, chacun aide l'autre à grandir. Apprends de tes erreurs pour ne jamais les reproduire. Apprends de tes erreurs pour ne jamais les reproduire. Apprends de tes erreurs. Apprends de tes erreurs. Apprends de tes erreurs. Remplacer nos cœurs par une machine. Nos cerveaux ne sont plus connectés à nos corps, mais à leur système. Ils ont commencé par dire ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. Hey, hey. Mis sur la jeunesse africaine, c'est l'effet d'une bombe. Sur la corde, y'a trop de monde, ils ne veulent pas que ce monde change. Viser la lune, ça sert à rien, trop à faire ici, mais jamais rien ne se fait pas sans effort, sans principe. Mis sur la jeunesse africaine, c'est l'effet d'une bombe. Sur la corde, y'a trop de monde, ils ne veulent pas que ce monde change. Viser la lune, ça sert à rien, trop à faire ici, mais jamais rien ne se fait pas sans effort, sans principe. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi dire. Partir pour tout refaire, s'enfuir et reconstruire. La vie ne fait pas de cadeaux et les gens se provoquent. Trop lourd est le fardeau, vivement le prochain épisode. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi dire, il ne sait plus quoi dire. Partir pour tout refaire, s'enfuir et reconstruire. Et reconstruire.